Ah. C'est pas un album, c'est un récit de vie. Les mauvais jours s'intensifient, peur pour ma petite fille. Et j'écoute pas leurs théories, ni leurs scientifiques. Pas trop bavard avec les filles, ni avec les flics. Avec le diable j'ai pas signé, quand je fais pas de ciné. Je rappe dans un pays où ils veulent me voir mort ou vacciné. Mon esprit vacillait quand je faisais pas de billets. Le secteur quadrillé, mental tassier. Ouais. Je vais la glisser dès la première occasion. Sous-estime pas car une Rolex dans la même heure qu'une Casio. Quasiment tête, mais je rappe encore sur ta tête. Ouais ouais ouais, pour m'arrêter faut mettre un billet sur ma tête. J'suis au studio, j'fais mes top lines, je maquette. J'coupe Z là sur la quête, comme dans Zelda c'est ma quête. En constat sur raquette, j'ai pas de soluce. Pour l'instant j'ai caché la droga chez Gabriel Solis. Oui j'ai l'air solitaire, mais j'ai les reins solides. J'suis sorry, j'demandais pas la lune, j'voulais juste un sourire. Elle sonorise la chambre, on va poser l'album. J'suis condamné, depuis qu'Adam et Eve ils ont croqué la pomme. J'suis attentif, pas trop de boulettes sur la stone. Ça me reconnaît, ça klaxonne, j'veux l'assassin ma Jackson. Ça m'écoute du ponté jusqu'à la santé. Ça m'écoute au charbon, au lycée, au checks, au chantier. Je déboye, déboye, t'aimes quand ma vie, je déboye. Je détaille, je détaille, poteau, je veux pas de médaille. Paypal, paypal, paye-moi, sinon je détaille. Bébé, pleure pas, j'ai un cœur en métal. Déboye, déboye, t'aimes quand ma vie, je déboye. Je détaille, je détaille, poteau, je veux pas de médaille. Paypal, paypal, paye-moi, sinon je détaille. Bébé, pleure pas, j'ai un cœur en métal. Oh bébé, ne pleure pas, moi j'ai un cœur en métal. Tu crois que je suis avec une autre, mais je suis en train de faire des tolls. J'ai coffré le Beretta, elle veut quitter le barrio. Nineta, adios, plus le temps, Ania. Sans père remis, c'est laser remis, apparemment. Me fais pas de ce vie, je m'en suis pas remis auparavant. Mal au pied comme Ronnie, mais silencieux comme Donnie. J'avais de l'amour à donner, j'y repense toutes les deux nuits. Donc j'efface toutes les données, et je repars à zéro de nouveau. J'suis sorti du nuévé, je vais leur faire un movie. Et je me rappelle quand j'suis tubé à 5h sur le jarret, égaré sans arrêt. Non, j'irai pas dans ta soirée. Où j'ai grandi, c'est Cali, c'est noir. Chez moi, c'est Cali, entre cités, c'est la guerre. Tout ça pour du Wally, je l'ai ramené pour ma mère. Après, j'fais mes valises. Ah, à deux sur Instant, ça pilote, ça barode. Un vrai vatan, c'est lui qui tient sa parole. Ah, j'aime bien. Je déboye, déboye, t'aimes quand ma vie, j'déballe. J'détaille, j'détaille, poteau, j'veux pas de médaille. Paypal, paypal, paye-moi sinon j'détaille. Bébé, pleure pas, j'ai un cœur en métal. Déboye, déboye, t'aimes quand ma vie, j'déballe. J'détaille, j'détaille, poteau, j'veux pas de médaille.